donner tout cet amour inachevé, lié à toi. Même si la vie nous a séparés, je te prie de me pardonner, je tiens à toi. Dis-moi que je serai toujours celle qui allumera l'étincelle, qui brillera dans tes yeux pour moi. Tout, tout, tout ce que j'ai pu te donner, tout ce que j'ai pu pardonner, tout ce qu'on a pu partager. C'est vrai que je suis dingue de toi, que ma folie me vient de toi. Que faire sans toi? Oh, je sais qu'on ne peut rien y faire, que ma vie sera un enfer si tu n'es plus là. Oh, mon bébé. Notre amour vivra toujours. Dis-moi que je serai toujours celle qui allumera l'étincelle, qui brillera dans tes yeux pour moi. Oh, tout, tout ce que je voudrais te donner, tout ce que j'aurais pu pardonner, tout ce qu'on aurait pu partager. Je veux garder le meilleur de nos deux. Notre amour vivra toujours.